Gérard Tinck, origine de l'ordre, chevalier de l'hôpital. Le 15 juillet 1099, après 40 jours de siège, les croisés avaient emporté Jérusalem d'assaut au cri « Dieu le veut ». Au milieu des scènes de carnage qui ensanglantèrent le pavé des temples aussi bien que le sol des rues, on vit un homme, aidé de quelques pèlerins comme lui, chercher parmi les morts et ramasser dans le sang les chrétiens blessés pour les transporter et les soigner dans un pieux asile où il s'était voué à cette tâche charitable. Ce saint homme avait nom Gérard Tinck. Né en Provence, il était venu à Jérusalem en pèlerinage. Là, sa charité lui avait inspiré l'idée de secourir les pèlerins pauvres ou malades qui affluaient autour du tombeau du Christ. Son exemple étant suivi par quelques-uns des témoins de ses bonnes œuvres, il parvint à former un groupe de personnes des deux sexes qui se dévouèrent ensemble à la tâche pénible que la piété leur inspirait. Un grand nombre de victimes des combats furieux qui avaient ouvert aux croisés les portes de Jérusalem avaient trouvé auprès de Gérard les soins que réclamaient leurs blessures. Beaucoup de chevaliers étaient parmi ceux dont les maux avaient été soulagés par la main de ce saint homme. Il l'avait vu donner son temps, consacrer ses veilles, épuiser ses forces à les guérir. Tant de bienfaisance et de piété ne pouvaient manquer d'émouvoir des cœurs qui avaient tout sacrifié, patrie, famille, bonheur du foyer, pour venir délivrer le Saint-Sépulcre. La foi qui les avait conduits à Jérusalem les disposait à entrer dans l'une des voies les plus saintes du Seigneur, et plusieurs d'entre ces fiers hommes de guerre, mettant sous les pieds leur orgueil et les préjugés de leur caste, voulurent imiter la vertu de Gérard en se consacrant aussi au service des pauvres et des souffrants. Ils revêtirent avec enthousiasme une robe de bure noire, par laquelle ils remplacèrent leur brillant équipage, et renonçant volontairement au monde comme à toute idée de retour dans leur pays, ils acceptèrent avec joie l'existence austère qui fit de Jérusalem leur nouvelle patrie, des pauvres leur unique famille. Peu à peu l'exemple, venu d'en haut, descendit dans tous les rangs de l'armée, et la sainte compagnie qui reconnaissait Gérard pour chef se vit en peu de temps, grossie d'un grand nombre d'adeptes qui voulaient avoir leur part dans les mérites de cette pieuse confrérie. Telle fut l'origine de l'ordre des chevaliers de l'hôpital. L'enthousiasme qui avait excité en Europe la conquête de Godefroy de Bouillon et la connaissance des services que les hospitaliers rendaient aux pèlerins leur faisait adresser de toutes parts des sommes énormes par tous ceux qui voulaient s'associer au mérite de leur œuvre. Aussi, les ressources dont disposait frère Gérard furent-elles bientôt au niveau de ses besoins, comme des secours que réclamaient de lui les nombreux pèlerins qui accouraient en Palestine. Il en profita pour élever, sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, une église à laquelle il adjoignit de vastes bâtiments qui servaient les uns de couvents aux hospitaliers, les autres d'hôpital pour les malades ou d'auberge pour les étrangers. De là, ce nom d'auberge qui était consacré et elle demeurait affectée au lieu où les pèlerins étaient recueillis. Dès ce moment, à cause de leur église et du patron qu'ils s'étaient donné, les chevaliers de l'hôpital furent indifféremment désignés par ce nom ou par celui de chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.